on est vrai, on n'est pas docile. Y'a qu'avec les frérots qu'on s'associe. On connaît trop bien la misère, ça rend fou, mais le cash aussi. C'est plus j'aime la séquentielle. Faire la monnaie, c'est l'essentiel. Elle veut voir les fausses étoiles dans le plafond et les vraies dans le ciel. Ça débite, ça rencontre le bénéfice. Ça veut juste s'éloigner des ténèbres. Puis-je le fer ou le métal, faut que tu choisisses. Mais les deux peuvent briser tout tes rêves. Ça joue, ça scam, ça joue pas au basket. Toujours un gros V sur la casquette. Je veux finir riche comme un Sarmoussa. Voir toute la famille rouler dans des classes S. Et ça veut nous juger à nos faciès. Il voudrait avoir nos adresses. Ça boit au culo dans le classe S. Bitch, elle met son culo dans le classe S. Toujours connecté dans le bendo. Le cash arrive dans le bon tempo. Ça boit au culo dans le classe S. Elle met son culo dans le classe S. Parle tous du ballon du terrain. Ils font mal à la tête, j'en fais un. Et je parle pas pour rien, je suis précis. Le shit est jaune comme le maillot du Brésil. Bitch, ça peut en plat comme l'équipe d'un casse. Je leur coupe la parole, la vérité, un schlass. Je me la gomme dans le classe S. Ils me voient pas, ils voient juste un flash. Et là, j'fume le gaz, la jalousie. Ma bitch, j'aime lire, elle vient d'Andalous. Je déteste les humains qui portent la jalousie. Le chaos, si tu te fais fumer, si tu t'associes. Ce rap, je me dégoûte, chaque des sosies. Kaiser sosé, la vie coûte pas très cher. Frérot, négocie, j'suis dans les jazz aussi. Si la fait là-dessus, on peut le faire aussi. Et ça veut nous juger à nos faciès. Il voudrait avoir nos adresses. Ça boit au culo dans le classe S. Bitch, elle met son culo dans le classe S. Toujours connecté dans le bendo. Le cash arrive dans le bon tempo. Ça boit au culo dans le classe S. Elle met son culo dans le classe S. Là j'ai plus d'inspi, j'envoie direct. Je veux retirer des millions à la tirer. Et j'envoie l'hameçon pour la tirer. J'allume la tube, j'pars en virée. Si tu fais mal, le boulot t'es viré. Tu peux pas t'en tirer. J'fais le taf sur la durée. Le frozen est curé. 3 points à la curie. LZ c'est les curies. On fait que des tueries. Et ça veut nous juger à nos faciès. Il voudrait avoir nos adresses. Ça boit au culo dans le classe S. Bitch, elle met son